te silinga ina mabanzo we motema molinga kayawa nake na koya kobela balade foli kanso e matie twices pa wana mapende ongo. Lendo ya bomwane sangi singa olingo ebonga kila bonde na elibosote ya kende kake ya bolingo na mote mangana maya wana we na leli hoi langa bolingo nanga osonge langa. Coup de foudre kake ya bolingo. Oga, oga. Fifi mon fondé, Fifi mon fondé. Souci à Malima le qui est la sangue la main. Pas à moi et bon moi na chérie limisa mon ima. Na comme yesa yesa ha chérie la mali. Aya wowo, tu sais que ne confonde la yeo. Aya wowo, la masangi sa pabolingo. Aya wowo, tu sais que ne confonde la yeo. Aya wowo, la masangi la pawayo. Sosia mali mali ki e la masangi la. Mwana